choca, choca. Dale, choca. Choca, choca. Dale, choca. Choca, choca. Él ve la gasolina, tú la weekend. Tati, Tatiana, Cookies, Cafés, Montana, come down jet. J'roule ma gauche dans ma def. Donne-moi flow, j'suis pas ton frère. Elle bouge son boule, j'compte mon cash. Tiger Woods dans son Elle fait briller mon épée comme Zorro. Antonio Bandera, shoot la cabeza, mucho tequila. Joga bonito, je donne la chiquita, je repars incognito. Taca, taca, taca, taca, ça sent la cachina de Rio Janeiro. Fais pas le tag, amigo, lors de la pesée de drogue, amigo. Go, go, go, go, go, go. Tati, bonbon latina, bonbon, ma gasolina. No, no, no, no, no, no. Bon latina, ma gasolina. J'oublie le bal, et je la regarde danser. J'suis pété, j'deviens bête. Y'a de la bonne méda, viscère pour madame et de la NASA. Roule ton phare étage, craque comme une pipasse. Oh non, j'mets 20 points sur ta tête si tu joues le tenace. Hey ya, hey ya, hey ya, va te faire un goulot. Toujours les mêmes potos, tu parles trop, t'as la boco. Hey ya, hey ya, hey ya, va te faire un goulot. Toujours les mêmes potos, tu parles trop, t'as la boco. Au téléphone, moi c'est Arturo. Je la fais danser et je la fais serrer. Sans la guitare et la tatérec. Sous le téléphone.